C'est une étrange relation que celle que l'on désigne par ce petit mot qui aujourd'hui circule dans tous les domaines, ce mot « identité ». L'identité, en effet, c'est une relation. On parle d'identité quand on prend deux choses et on dit en réalité qu'elles n'en font qu'une. C'est un paradoxe tout à fait étonnant et parfois qui passe par la répétition exacte du même symbole, comme dans la formulation logique traditionnelle, qui a eu toute une histoire en philosophie de ce qu'on appelle le principe d'identité. Dans sa formulation logique, qui a été reprise tout au long de l'histoire de la philosophie, on dit en effet le principe d'identité, c'est par exemple A égale A. A égale A, c'est aussi la relation d'égalité. Il y a un lien entre égalité et identité dans ce paradoxe que l'on prend deux termes strictement identiques a priori, mais on les répète et quand même on tient à attester de cette identité par un signe, celui de l'égalité. Et donc on est dans ce qu'on appelle aussi la tautologie, on dit deux fois la même chose. Mais justement, ce principe d'identité a une fonction très précise dans la logique, c'est-à-dire dans le langage, c'est de nous garantir que partout où nous verrons ce signe, eh bien nous parlerons de la même chose exactement. Le principe d'identité semble être au fond une condition du langage lui-même, de la pensée, de la logique, de notre être, de nos repères, et d'une certaine façon ce paradoxe d'un principe qui ne dit rien, qui dit A égale A, en fait, est la condition pour dire quoi que ce soit, pour dire tout. Et ce principe d'identité qu'avait donc formulé Aristote n'est que l'explicitation d'une condition du langage sur laquelle il n'y aurait finalement rien de plus à dire. A égale A, voilà, c'est pour solde de tout compte. Alors pourquoi y a-t-il un problème avec l'identité? C'est que, précisément, on s'aperçoit que entre une chose et elle-même, finalement, au-delà du symbole qui peut les désigner dans le langage ou dans la logique, en revanche, dans la réalité, si l'on peut dire, la question de l'identité ouvre un espace, peut-être un gouffre et pas seulement une relation entre chaque chose et elle-même. A égale A, c'est très bien en logique, c'est très bien aussi vu de l'extérieur des choses, mais dans la réalité, un ensemble de phénomènes, et en particulier les différences spatiales et temporelles, qui sont les plus générales de toutes, introduisent déjà un trouble dans l'identité, pour ainsi dire, un écart entre nous-mêmes et nous-mêmes, qui fait que l'identité cesse d'être une évidence logique pour devenir une relation complexe. A égale A, oui, mais si on est dans le temps, dans le devenir, A sera-t-il toujours le même? Est-ce que je vais me baigner toujours dans le même fleuve, si je dis la Seine sous le pont Mirabeau est toujours la Seine? Logiquement, c'est vrai, mais Héraclite, qui était dans l'Antiquité, le présocratique, qui incarnait la différence et le devenir face à l'autre présocratique Parménide, celui qui disait justement « l'être est et le non-être n'est pas », deux grands principes d'identité, eh bien Héraclite disait « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». La Seine n'est jamais identique à elle-même. Il y a, face au principe d'identité, quelque chose comme la réalité de la différence. Une réalité qui creuse un gouffre qui, d'une certaine manière, est celui de la connaissance. La connaissance qui a pour tâche, au fond, non pas de poser des identités immuables, mais d'identifier. Un grand philosophe des sciences en France du début du XXe siècle, Émile Meyerson, a fondé toute la démarche scientifique sur l'établissement des identités entre des choses différentes. Évidemment, des équations sont un peu plus complexes parfois que A égale A. Eh bien, pour établir cette identité entre les deux côtés du signe égal, il a fallu des siècles de connaissances physiques. Mais bien entendu, le vrai problème de l'identité, c'est un problème humain, moral et politique. Ce gouffre qui semble s'introduire entre nous-mêmes et nous-mêmes, non seulement dans le temps, mais dans la société et dans l'histoire, dans notre conscience elle-même. Pour le désigner, Paul Ricoeur avait forgé un autre terme. L'identité physique, logique, stable, c'est celle du langage. Pour les êtres humains, c'est l'ipséité, c'est la capacité à se reconnaître le même à travers le temps, l'histoire et aussi autrui. Une identité qui passe par l'altérité, une identité